La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831. On commence évidemment les marathons de nage en eau libre. La semaine passée, il y a eu Chibougamau. En fin de semaine, c'est Saint-Thomas-d'Isdin. Et dans deux semaines, ce sera la traditionnelle traversée internationale du Lac-Saint-Jean. On va parler avec quelqu'un qui est un habitué de ces traversées. C'est Xavier Desharnais. Bon après-midi, Xavier. Xavier? Xavier, évidemment, on aborde ce marathon-là, ces marathons-là, avec quel esprit? Celui de Saint-Thomas en fin de semaine, c'est certainement différent de la traversée du Lac-Saint-Jean. Oui, c'est sûr que les courses sont toutes différentes. Dans le cas du marathon de Lac-Saint-Jean, c'est encore un marathon qui est à ses débuts, donc on essaie de le faire voir un petit peu. Mais c'est plus comme un entraînement pour la traversée du lac Saint-Jean. Un 15 km, j'imagine qu'on entraîne ou qu'on se prépare différemment qu'un 32. Là. C'est pas du tout la même préparation. C'est sûr que c'est différent. Si quelqu'un a comme objectif vraiment de faire le 15 km versus quelqu'un qui a comme objectif de finir son 32 km, ça va être un entraînement différent, mais souvent une course de 15 km peut servir de très bonne préparation pour le 32 km, comme dans mon cas. Ça va faire deux semaines de très gros entraînements que je fais, puis je vais finir avec 15 km. Donc, je vais avoir augmenté beaucoup le millage dans les deux dernières semaines pour essayer de peaufiner mon entraînement en vue de la traversée. OK, Xavier. Est-ce que Saint-Thomas-d'Isdin, c'est considéré comme difficile? Sûr, 15 km, c'est pas pareil comme un 32, c'est pas la même affaire, mais c'est-tu quand même une compétition assez difficile pour les nageurs? Je crois que oui, je pense que 15 km pour un nageur, c'est l'équivalent de peut-être 60 km pour un coureur, donc je pense que même le meilleur des coureurs au monde va trouver que 60 km à la course, c'est quand même difficile, là. C'est un marathon et demi, donc c'est sûr que physiquement, 15 km, c'est très difficile, là. OK. Comment tu vois ça maintenant? Cette année, il y a une donnée considérablement qui va changer complètement la donne. C'est la combinaison. C'est exigé maintenant par la FINA. Je parlais avec une jeune nageuse hier de Boom Cessny, Gabrielle Savard, qui, elle, était déçue un petit peu. Que finalement, tu l'as fait longtemps, la traversée du lac Saint-Jean. Tu l'as fait dans toutes les conditions. La combinaison maintenant, ça va changer complètement, là. Oui, en effet, je peux comprendre la déception de Gabrielle. Je la partage aussi. Je pense que c'est quelque chose qui vient dénaturer notre sport. C'est vraiment dommage pour justement des jeunes nageuses, nageurs comme elle, qui n'auront pas, dans le fond, la joie de connaître tout de l'eau libre. Donc, si tu mets un wetsuit, ben tu dénaturalises le sport. Tu augmentes le risque de te blesser. C'est vraiment une mauvaise décision jusqu'à présent pour la FINA. Je comprends qu'ils essaient d'améliorer la sécurité des nageurs, qui attendent pas qu'il y ait un accident avant d'agir, mais c'est arrivé très rapidement, puis si je peux utiliser l'expression broche à foin. Là. OK. Xavier, parce qu'il y a des compétitions, il faut savoir que la traversée du lac Saint-Jean fait partie d'un circuit. Hein. Il y a des compétitions en Argentine, il y a eu toutes sortes de compétitions un peu partout dans le monde. Est-ce que ce que tu as vu, de ce que tu sais, est-ce que ça améliore de beaucoup les temps? Ben, c'est sûr que la combinaison affecte pas beaucoup de compétitions. Okay. C'est plate à dire, mais une des meilleures compétitions au monde, c'est le lac Saint-Jean. Une des plus sécuritaires au monde, si c'est pas la plus sécuritaire, c'est le lac Saint-Jean. Puis, c'est malheureusement la seule qui est entre 16 et 18 degrés la plupart du temps, qui va des fois monter entre 18 et 20 degrés, mais presque jamais en haut de 20 degrés. Malheureusement, avec le règlement, ça va être probablement la seule affectée, à moins qu'ils commencent à mettre des courses ailleurs dans le monde, dans des eaux dans ces environs-là. Peut-être que c'est dans ce but-là qu'ils veulent accepter le Wetsu. Mais pour l'instant, ça l'affecte surtout juste le Lac-Saint-Jean. Donc cette année, on n'a pas eu une seule compétition qui a été affectée, donc que le Wetsu a été permis. De là à dire que ça va améliorer beaucoup la vitesse, oui, parce que ça fait flotter plus, ça garde au chaud. C'est sûr que le temps va diminuer. Là, si on a des conditions acceptables, le record va être battu avec un Wetsu. C'est juste que ça peut être quelqu'un qui est pas nécessairement bon en eau froide, ça peut être quelqu'un qui est pas nécessairement dans la meilleure des formes. Okay. On peut avoir plus de poids puis flotter plus, donc ça dénaturalise. C'est vraiment le mot-clé ici. OK. Xavier, si on parlait maintenant de ta saison, comment ça va ta saison? J'ai pas eu une très grosse saison jusqu'à présent. Okay. Faute de commanditaire, j'ai pas pu faire beaucoup de compétitions. Je me suis entraîné toute l'année, c'était cependant vraiment très, très fort. J'ai participé au championnat de France en juin. C'était ma première compétition d'eau libre de l'année, donc c'était un 25 km au championnat de France, qui était une invitation un peu internationale. Okay. Ça a quand même bien été, j'ai fini sixième, puis c'était vraiment une bonne préparation pour ce qui s'en vient cet été. Donc je pense que je suis confiant de bien faire cette année. J'étais en meilleure forme physique que l'année dernière, puis j'ai hâte de prendre part aux grosses courses comme le Lac Adjim, le Lac Saint-Jean, puis les Coupes du Monde en Europe. OK. Justement, si on parlait un peu, Xavier, comment tu... ça fait longtemps que tu es là-dedans, ça fait longtemps que tu es dans le nage en eau libre. Tu te vois courir jusqu'à quel âge environ? Je sais pas encore. C'est sûr que maintenant, je prends vraiment ça une année à la fois. Okay. C'est sûr que ça a été très difficile cette année, donc j'attends de voir à la fin de l'année après, avec les compétitions. C'est sûr que mon corps aussi commence à avoir un petit peu de misère, des blessures un peu partout. Donc, je me donne pas de date, mais je sais pas vraiment jusqu'à quel âge. Mais c'est sûr qu'en eau libre, on peut nager encore longtemps si on n'a pas trop de blessures. Si aussi, tu sais, c'est une question de travail. Faut commencer à travailler un jour. Puis, si les commanditaires continuent, si j'aime m'entraîner, c'est sûr que ça peut faciliter la décision. Mais ça n'est pas rassemblé, mais c'est plus difficile de continuer à nager dans ce problème. Ben Xavier, félicitations, bravo, puis bonne chance pour la compétition de Saint-Thomas, puis également la compétition de la traversée internationale de Saint-Jean, où on sera là. Ben, un gros merci. Voilà, donc Xavier Desharnais qui va participer en fin de semaine au marathon de Saint-Thomas-d'Isdin et également à la course de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean.